Est-ce qu'il y a quelques questions parmi vous ou remarques ou ajouts sur les deux parties de la séance, bien sûr, Vincent. S'il y a un petit peu de temps, je vais faire part de quelques petites remarques. Donc, moi, j'étais étudiant aux époques dont vous parlez. Entre autres, je ne sais pas, personne n'en parle pour l'instant, mais on se réunit entre nous pour que ça émerge un petit peu. Il y avait des dissidents de l'école des Beaux-Arts dans les années donc, qui ont suivi 68 et qui ont fait une unité d'enseignement et de recherche sur l'environnement qui s'est situé au HAL. Oui, mais ça, c'est au HAL. C'était au HAL, oui, bien sûr. Et donc, moi, je faisais partie de l'URE et à côté de nous, il y avait UP8. UP8, ça a été fermé en 72, liquidé par Duhamel, je crois, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et on s'est retrouvés, donc on avait le choix, puisque nous, on venait des arts déco, plus ou moins pour certains, et d'autres venaient d'horizons absolument incroyables. Et donc on avait le choix, à la fermeture de l'URE, bon, de soit de revenir aux arts déco, la majorité n'a pas voulu, ou d'intégrer UP6. Donc j'ai intégré UP6 dans ces années-là. Et juste une remarque, à l'époque, c'est vrai qu'à UP6, on avait du matériel vidéo, on avait du matériel de montage et de cinéma. Oui. À l'URE, dans les années 70, on faisait des films aussi. Donc on avait du matériel de cinéma, etc. Et on partait en tournée et tout. La majorité des choses se sont perdues de toute façon. Oui. Il me reste quelques documents. Ah, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que... Mais par rapport à certaines remarques, on oublie souvent le 10 mm et le Super 8. Ah oui, ça. Mais on tournait énormément. Mais aussi, parce que c'était de la vidéo. Et donc on faisait vidéo. On investissait le matériel qu'il y avait à l'époque. Et on avait une monteuse, nous. On avait une monteuse de Super 8, tu t'imagines. On montait en collant les trucs comme ça. Oui, mais au départ, on faisait des Super 8. Mais comme c'était de la vidéo, j'ai parlé uniquement de la vidéo. Et après, il y avait aussi à l'école d'art déco. Avec Foresta, ils étaient très bien équipés. Et ils étaient beaucoup plus avancés que nous, parce qu'ils avaient technicien, ils avaient un équipement que nous, on n'avait pas. Mais on a beaucoup collaboré avec Foresta, il était vraiment très serviable. Mais si tu veux, nous, les élèves, nous, on cherchait des débouchés un peu partout, de tous les côtés, parce qu'à l'école, on ne pouvait rien avoir. C'est pour ça, en me laissant tout seul, je fais autre chose. Alors voilà, c'est un choix que Pierre Hénon est là, et en fait il nous arrivait dans le passé de faire des séances de séminaires absolument surchargées en voulant aborder trop de sujets, donc on s'est dit que les arts déco c'était un sujet très vaste et qu'on y consacrerait une séance ultérieure. Oui, c'était beaucoup plus avec la question des arts déco. Très importante. Ils étaient beaucoup plus avancés que nous. C'est vraiment Foresta. Il avait vraiment un équipement, il avait une staff, il travaillait beaucoup, il connaissait tout le monde, il était très introduit. C'était quelqu'un. Oui, mais à l'ENSA, les étudiants produisaient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites fin des années 70, début des années 80. Qui sont très intéressants. Oui, milieu des années 70. Mais pour revenir à Vincennes, comme je vois qu'il y a Françoise là, qui fait des vidéos danse, et elle pourrait parler, et Rob Vell qui a fait former plein de gens et qui avait plein de films. On va juste être plus dans le temps. Mais je ne sais pas si on a le temps ou si vous ne devrez pas faire une autre séance. Quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est très très clair qu'on se fait encore avoir cette année en voulant... séance par séance, aborder un thème dont on ne peut évidemment en aucun cas faire le tour. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour avoir des années, des rallonges l'an prochain. De toute façon, il y a un certain nombre de questions qu'on va... On fera des nuits séminaires, mais ce ne sera pas à la BNF, parce que la nuit blanche, ce n'est pas pour ici. Mais donc voilà, l'an prochain, il y a énormément de sujets qu'on a abordé ces deux années qui sont en train de se terminer, qui seront réabordés. Et on avait commencé à évoquer avec Sébastien et Alain la possibilité, l'an prochain, je dévoile notre pré-axe, d'aborder la question par le biais tout simplement des archives. Il y a un certain nombre de fonds importants qui nous sont arrivés ces deux dernières années à la BNF, des fonds vidéo et des fonds d'archives papier que l'on a envie d'explorer. Donc peut-être ce serait l'an prochain des séances où l'on approfondirait un cas d'école, un exemple, un fonds d'archives, mais qui croiserait forcément aussi de multiples pratiques et de multiples questions qu'on a déjà abordées. On peut peut-être prendre une dernière question. Oui, et il y avait Bernard qui avait une question. Juste une remarque à faire concernant la CAP aujourd'hui. J'ai pu constater la grande misère de l'enseignement et je l'ai pratiqué moi-même, puisqu'étant occasionnellement formateur à l'INA, j'ai été appelé à la Sorbonne au moment de la création du CELSA, qui est la section de la communication où arrivent des étudiants avec Bac plus 4, 5, 6, enfin, je ne sais plus combien. Et quand je suis arrivé pour m'occuper de la télévision et de la vidéo, il n'y avait absolument aucun matériel. C'est-à-dire que quand j'ai demandé l'achat de 3 appareils photo Polaroid pour commencer, eh bien déjà ça posait une question. Et ensuite, nous avons été obligés de squatter un studio du ministère des Affaires étrangères qui était utilisé en vidéo pour qu'enfin les étudiants aient accès à un matériel, je ne dirais pas professionnel, mais semi-professionnel, étant donné qu'ils étaient censés ensuite faire de grandes carrières dans la communication. Deuxième exemple, à l'université de Rennes 2, on avait été appelé par l'École normale supérieure pour justement faire une formation des enseignants qui utilisaient l'audiovisuel et notamment la vidéo. Quand on est arrivé à 3 techniciens, 20 réalisateurs, on s'est rendu compte que le matériel était dispersé dans tous les départements. On a mis une semaine à récupérer du matériel qui pouvait fonctionner ensemble. Lorsque ce matériel a été regroupé, on a pu enfin faire quelque chose avec les étudiants et les professeurs. Et lorsque nous sommes repartis, nous avons supplié le président pour que ce matériel reste groupé. 2 ans après, j'y suis retourné, le matériel était reparti dans les armoires. Donc c'était désolant et c'est malheureusement, alors je ne crois comme pas les autres, j'ai aussi un peu de l'initiative, mais dans l'enseignement, malheureusement, on n'a pas pris en compte les possibilités de ce matériel qui sont extraordinaires et on a laissé passer toute une période sur plusieurs décennies de manquements pour les étudiants. Et heureusement qu'il y avait des personnes comme vous, qui ont été des personnes volontaires et qui, en donnant de leur temps et de leurs moyens et de leur argent, ont pu au moins intéresser les étudiants à cette forme d'audiovisuel. Merci Bernard. Merci pour revenir, c'est ce qu'il disait avant dans l'école, il y avait une caméra dans mon temps. Hein. Et je travaillais avec les élèves, avec les Super 8, hein, qui a commencé vraiment à être moyen d'expression très très fort. Et on les montait nous-mêmes avec des petites monteuses toutes petites. Et on avait une caméra 16 aussi, un beau lieu. Mais là, on était incapable pratiquement de l'utiliser, sauf quand il y avait des artistes qui venaient, qui savaient l'utiliser. Et il y a eu aussi beaucoup de films qui ont été faits, mais on n'avait pas d'argent pour acheter les matériaux. Je ne sais même pas d'où il est sorti cette volume. Je ne sais pas qui avait acheté ça. C'est assez poreux. Un volume magnifique, hein. C'est vraiment. Ils ont fait beaucoup de productions de films super 16. 16 minutes. Au départ, quand on n'avait pas la vidéo, notre formation passait avec les 16 et les Super 8. Et aujourd'hui, voilà, on va donc s'arrêter là. Aujourd'hui encore, c'est juste avec aussi très très peu de moyens, par exemple, que Patrice maintenant numérise et restaure les bancs. Non, mais c'est un travail artisanal incroyable parce qu'à l'université, tu disposes de quasiment rien, quoi. C'est vraiment du bricolage aussi jusqu'au retraitement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la question a beaucoup changé? La question a beaucoup changé. Parce que aujourd'hui, les gens ont dans leur poche une vidéo de définition complètement chère. Par contre, les connaissances et la politique de matière de jeunesse, là, vous régressez. Donc, il y a un écart extraordinaire entre ce que pourraient faire les étudiants et ce qu'on fait véritablement. Merci. La prochaine séance aura donc lieu le 5 mai. La vidéo contre la télévision, tout contre...